Chapitre 52e, ma pipe et son pneu. Évidemment, les aides avaient obéi à la prudente consigne d'aller boire ailleurs leurs pièces d'or, de se livrer à leurs orgies en d'autres tavernes éloignées et d'autres coupe-gorges écartées de ce quartier. Zigomar et ses hommes, alors très discrètement, très tranquillement, étaient partis, avaient filé, laissant sur le terrain Poulain Broquet et sa brigade. Par le fait même, tous les Broquets étaient déguisés comme les aides, et qu'il s'en trouvait un peu partout dans la baleine, soit à la fourgue, soit dans le couloir des patates, qu'il en sortait des catacombes, que par la trappe il en venait encore. Les hommes de Paulin Broquet, ses lieutenants, l'amorce, même Simon, qui ce soir donnait également, ne put remarquer à temps la disparition habilement opérée des aides. Il faut l'avouer, Paulin Broquet en éprouva quelques surprises. Or, Zigomar, non seulement avait disparu habilement avec tous ses hommes, mais il était parti en emmenant le 1 et le 2 endormis et sur lesquels Paulin Broquet comptait pour d'autres révélations. « C'est un tuyau qui me crève !» se dit le détective. Il ne lui fallait plus, en effet, songer à jouer désormais auprès du 1 et du 2 la fine comédie de l'association. Certainement, Zigomar s'empresserait d'éclairer le 1 et le 2 sur la véritable qualité de leurs nouveaux amis, de leurs complices futurs, et de montrer dans quel guépier ils se jetaient. Le prince et le harpon étaient brûlés absolument. Zigomar ne se contentait pas d'enlever ces deux hommes à son ennemi. Il reprenait encore le malheureux individu, le piteux aventurier qui avait voulu jouer le rôle terrible du magnifique et génial bandit, ce pauvre air qui avait osé se glisser dans la peau du lion, ce misérable dont la dépouille royale, brutalement arrachée, avait mis à nu les épaules et montré l'éternelle infamie. Zigomar avait donné cet homme à Paulin Broquet et il le lui reprenait. Le détective pensa alors, en réfléchissant à tous les événements qui en si peu de temps venaient de se succéder, qu'au cours de la séance dramatique, quand Zigomar appela le 1 et le 2, pour leur remettre le faux Zigomar, il ne savait pas encore quels hommes se cachaient sous les cagoules noires. À ce moment, Zigomar, en vérité, ne se doutait certainement pas de la véritable personnalité de la pince et du harpon. Ce ne devait être que plus tard que le hasard, qui est aussi bien la providence des bandits que celle des policiers, amena au cours d'une ronde surveillance, au moment du départ, la découverte des deux dormeurs. Alors Zigomar, en enlevant les deux hommes, avait, sachant parfaitement que Paulin Broquet entrerait là, laissé pour lui un papier avec promesse de prochaine revanche. Il n'avait d'ailleurs pas tardé à la prendre, car à quelques minutes de là, il plantait un poignard jusqu'à la garde en Z dans le dos d'un des hommes de Paulin Broquet. Vraiment, Zigomar débutait dans ses nouveaux exploits par un coup d'éclat. Paulin Broquet entra dans le cabinet du couloir des patates. « Mes amis, dit-il à ses hommes, la revanche sera pour un autre soir. » Pendant que Paulin Broquet se trouvait dans la fourgue, qu'il faisait ses constatations fâcheuses pour son amour-propre, ma pipe, prévenue, venait avec l'auto, une auto de place, qu'il conduisait vers la baleine pour se ranger derrière l'antre du père Fricard. Comme il allait s'engager dans la ruelle, trois hommes l'arrêtèrent. « N'entre pas, lui dit l'un d'eux. Tu ne pourras ni tourner ni sortir, d'ailleurs c'est inutile. » Les deux autres portaient le corps d'un homme évanoui, un mort. Ma pipe ne s'en rendit pas très bien compte et cela lui importait peu pour le moment. Méfiant, cependant, et sous leur déguisement ne reconnaissant pas suffisamment ses trois compagnons, ayant peur d'être roulé par les aides, ma pipe, avant d'obéir, de charger, fit les signes des Broquets. Celui qui parlait lui fit les mêmes signes, lui donna les mots de passe. « Te voilà tranquille, hein ?» lui demanda cet homme. « Oui, mais avant, je devais... » Tu as raison, ma pipe, tu as raison. Maintenant, dépêchons, dépêchons. » L'homme ouvrit la portière. Ceux qui portaient le corps s'approchèrent. Ils introduisirent le malheureux dans la voiture aussi commodément que possible, prirent place à côté de lui. « Vite, à l'Hôtel-Dieu !» dit l'un d'eux, sautant sur le siège de devant auprès du chauffeur. Ma pipe démarra et fila aussi vite que cela lui était possible dans ses rues. Comme il débouchait boulevard d'Italie, tout à coup une forte détonation sèche, nette comme un coup de pistolet, retentit. « Allons bon !» dit ma pipe, un pneu qui éclate. « Regarde !» dit l'homme qui se trouvait à côté de lui. « Regarde si on peut rouler comme ça jusqu'à l'hôpital. Ne perdons pas de temps à changer le pneu, à cause de notre pauvre compagnon. Va voir !» Ma pipe, en grognant, comme tous les chauffeurs à qui pareille aventure arrive, et toujours au moment où ils sont très pressés, abandonna son volant, sans toutefois arrêter le moteur, et il sauta sur la chaussée. Consciencieusement, il se mit à examiner les roues. Comme il était penché sur un des pneus arrière, qu'il le tâtait fortement, tout à coup le moteur ronfla, l'embrayage grinça et la commande du changement de vitesse craqua. « Hé là, hé là !» cria ma pipe en se relevant. « Hé là, ne touchez pas aux manettes !» Il n'eut que le temps de faire un bond de côté. La voiture partait à toute vitesse. Ma pipe entendit trois éclats de rire, et un des hommes, se penchant par la portière, lui cria une plaisanterie en anglais. Tout déconfit, le pauvre ma pipe regarda s'éloigner et se perdre dans le brouillard du petit matin sa voiture. « Ça, dit-il, c'est un coup de zigomard. » C'était en effet un coup de pistolet tiré exprès pour imiter la blessure d'un pneu, faire sauter à terre le chauffeur et lui prendre sa voiture. Alors, comprenant qu'il n'y avait plus rien à faire, ma pipe tira de sa poche sa vieille pipe, la bourra, et il reprit à pied le chemin de la rue Jonas. « Allons dire ça au chef, » dit-il. Il arriva à la baleine et passa par la porte de la petite cour qui permettait d'arriver au couloir des patates sans passer par la fourgue. Il pénétrait dans le cabinet où les broquets se trouvaient réunis autour du chef. Gabriel y arrivait à peine de son côté. « Chef, j'ai attendu jusqu'à présent la voiture pour emporter notre malheureux Girard. L'homme de garde au coin de la rue vient de me prévenir que ma pipe est partie. »« Où ça partie ?» demanda Paulin Broquet. « Avec la voiture vide ?»« Pardon, chef, la voiture pleine, trois hommes, un blessé ou un mort ?» Ma pipe les a acceptés comme ça, facilement. « Non, chef, ils lui ont fait les signes de reconnaissance et dit les mots de passe. » « Alors ce sont des hommes à nous. » Gabriel allait répondre quand ma pipe fit son entrée. Il raconta à Paulin Broquet la mésaventure qui venait de lui arriver. Paulin Broquet tout d'abord fronça les sourcils, puis il se mit à sourire. Il roula une cigarette. « Le comble, dit ma pipe qui rageait, c'est qu'ils se sont moqués de moi en anglais. » Paulin Broquet donna sur l'épaule de ma pipe une tape amicale. « Rassure-toi, mon garçon, je sais qui t'a joué ce tour. C'est Thorntwick et Zigomar. » Alors il alluma sa cigarette. En véritable sportsman, Paulin Broquet trouva admirable, de la part de ses ennemis, d'avoir réussi pareil coup. « Marquons-le à leur tableau, » dit-il à ses hommes. « C'est très adroit. Se servir de ma voiture, c'est très bien. Cela met vraiment une note comique à côté de la tragédie du hangar sinistre. » Alors, étendant la main, il cria « Bien joué, Zigomar. Mais à mon tour, maintenant. » Ainsi s'achève, le bras marqué, première partie de La Femme Rousse, livre quatrième de Zigomar par Léon Sazy.